no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé que me han hecho tus ojos. Il était depuis un moment dans la cabine de Pepa, une cabine spacieuse et presque élégante, et il ne se hâtait plus. Retenu peut-être par une dernière délicatesse absurde. Ya lo creo. Il voulait, sans rien avouer de ce qui lui était personnel, causer, savoir, et ne se décidait pas à parler. Toutefois, comme il ne pouvait pas rester éternellement là, debout, l'air embarrassé, tout à coup malheureux, à passer en revue le mobilier, les rideaux grenats, la couchette numérotée, le large divan de velours allemand, les pliants de raie pareils à l'étoffe des rideaux, la toilette de métal émaillée jouant l'ivoire, la natte de manille du plancher, les penderies et la tulipe électrique, il passa son bras autour de la taille fine et robuste de la tinère Fenia, s'assit avec elle sur le canapé d'un rembourrage louable et dit au hasard, la première banalité venue, comptant bien que la chance, les hasards d'un bavardage quelconque, lui fournirait un prétexte pour la questionner. Il y a longtemps que tu voyages sur ces steamers ? Elle le regarda comme avec une petite méfiance dans l'œil, puis reprit une physionomie indifférente et répondit : Ce n'est que la seconde fois que je fais la côte. La première fois, j'avais pris passage sur le Sorato. J'ai été alors moins heureux qu'aujourd'hui. Je ne manque jamais l'entrée d'un Patagone, et je ne t'ai pas vu. Il essaya de plaisanter. Des occupations professionnelles te retenaient sans doute hors du salon. Je te demande pardon. C'est toi qui m'as paru très occupé. Je t'ai fort bien vu, moi, sans attacher une importance énorme à ta présence, soi-disant passant, sans vouloir t'offenser. Tu étais en flirtation avec une jeune personne des plus agréables, et l'intérêt que je porte aux visiteurs est tout professionnel, comme tu le dis si affablement. Alors, tu étais un toboadongue comme les autres, tu comprends? Mais je n'oublie jamais une figure rencontrée. Benigno tressaillit. Il chercha vivement à lire dans les yeux de Pepa le sens de cette dernière phrase. Voulait-elle insinuer? Non. L'expression des beaux yeux noirs était si détachée, à peine ironique, et encore. Il se moqua intérieurement de sa propre présomption. Pepa s'exagérait un peu la puissance de sa mémoire, et c'était tout. Il essaya cependant de l'obliger à trahir son intention, si elle en avait eu une, en lui disant avec une certaine brusquerie, « Cette précieuse faculté de reconnaître à première vue les gens les plus indifférents, tu ne dois pas avoir à l'exercer souvent au profit de tes compatriotes. » En effet, les tinerfeños sont très rares sur cette côte. Je n'en ai encore rencontré aucun, et le cas échéant, j'esquiverai la reconnaissance. Car vraiment, à Caracas, j'étais obsédé des visages familiers narquois, me semblait-il. « Ah ! Tu as habité le Venezuela ? » ?»« Plus de 10 ans. J'étais dans le commerce et j'ai longtemps gagné ma vie. Mais les affaires ont périclité et j'ai dû chercher autre chose. D'abord à la Havane, où les Canariens ne manquent pas non plus, hélas. Ensuite dans ces régions-ci. Je vois que ce n'est pas d'hier que tu as abandonné Tenerife. J'étais toute jeune quand je suis partie de chez moi. Et tu n'as jamais eu l'envie de retourner aux Canaries ? Les yeux de Pepa brillèrent de colère. Et ce fut avec une singulière énergie qu'elle répondit. Ah non, par exemple. Dios me libre. J'y ai trop souffert. Mon père avait été riche. Je n'ai jamais su au juste ce qu'il faisait, mais il avait eu de l'argent. De cela, j'en suis sûr. Pourtant, il est mort ruiné. Il n'a laissé que des dettes. Alors le... L'individu que je devais épouser s'est conduit avec moi comme un malandrin. S'il s'était encore contenté de me laisser là, mais il a d'abord affecté de vouloir se charger de moi, tu comprends? Ensuite, il m'a jeté à la rue. J'en ai pris un autre, oui, un autre gredin. qui m'a emmené à La Havane où il m'a oublié quand il a trouvé une place lucrative dans l'intérieur de l'île. Alors tu vois, Caracas, puis encore La Havane, enfin cette maudite côte sur ce lupanar à roulis. Tiens, va-t'en me chercher du Jerez et je ne veux plus parler de cela. Ils burent. Et Pepa reprit comme si le colloque n'avait subi aucune interruption. « Car tu n'es pas venu pour me confesser, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu attends ?» Benigno connut désormais dans son existence une demi-heure. Une heure, qui sait? Délicieuse et presque formidable. Elle était demeurée bien jeune, Pepa, la farouche et la suave, après tant de malheurs. Oh, le merveilleux corps, ferme et vibrant, durement et élastiquement plantureux, fragrant de fin et de fauve parfum. Tus ojos para mí son luz de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luz de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.